qu'est-ce que c'est que le plaisir? Je t'ai dit, moi. Mais quelle question! Le plaisir, c'est le plaisir. C'est comme la soupe, comme le pinard. Comment? C'est le christianisme qui a introduit comme question fondamentale dans le rapport à la vérité, cette question, qu'en est-il de la vérité de ma concupiscence? Ou qu'en est-il, comme nous dirions dans notre vocabulaire, de la vérité de mon désir? Le plaisir, ça sert à rien. Garde-le pour toi. En 1984, 8 ans après La Volonté de Savoir, Michel Foucault poursuit son entreprise de former une histoire de la sexualité. Mais en 1984, tout a changé. Il ne s'agit plus de faire une histoire des dispositifs politiques, gérant, administrant et produisant la vie sexuelle des individus, mais de revenir à nous, individus. Avec cette question, comment et à quel prix le sujet peut-il dire vrai sur lui-même en tant qu'il est sujet de plaisir sexuel? Le coït. Oui, je jouis. Oui. Oui, c'est bien. Oui, je viens. Ah, je viens bien. Ah oui. Oui, je jouis. Oh oui. Oh, je jouis. Oh, oh oui. Oui, je jouis. Michel Foucel. Bonjour Géraldine Mosna-Savoie. Vous êtes philosophe et professeur à l'École Polytechnique. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur Kant, sur la consolation et puis tout récemment paru aux éditions PUF, Quartier Rouge, le plaisir et la gauche, dans lequel vous vous appuyez sur Michel Foucault en partie et sur son histoire de la sexualité. Avez-vous trouvé satisfaction dans ce qu'il disait des plaisirs, notamment dans son deuxième volume, L'usage des plaisirs, pour votre livre et pour parler justement de cette question politique des plaisirs? Dans la mesure où il met en avant la question du plaisir et de la politique, ou en tout cas de la manière dont on peut organiser sa vie autour d'un certain nombre de règles éthiques, oui, effectivement, parce que c'est un des rares philosophes, en particulier dans la période contemporaine, à privilégier le plaisir sur le désir. Le désir étant traditionnellement associé plutôt à l'insatisfaction du monde tel qu'il va. Donc, au fond, quand on est un philosophe progressiste, voire révolutionnaire, eh bien, on privilégie le désir parce que le plaisir a cette dimension de, au fond, je vais bien, donc le monde dans lequel je vais bien pourrait apparaître comme bon ou comme juste ou comme équitable. Foucault, c'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, on reviendra sans doute sur les, peut-être ce que je juge être les limites de sa conception du plaisir, mais cela dit, c'est quelqu'un qui réintroduit dans le champ philosophique d'abord, et peut-être aussi politique, la question du plaisir, c'est-à-dire la manière dont on peut modifier les rapports à soi-même, modifier les rapports aux autres et à son propre corps, en faisant des expériences, en expérimentant, mais de manière joyeuse, un certain nombre d'expériences dans le champ de l'érotisme, ou même d'ailleurs, parce que c'est une des dimensions intéressantes aussi de ce livre, L'usage des plaisirs, de montrer que, chez les Grecs, puisqu'il parle beaucoup des Grecs, eh bien, l'alimentation n'est pas toujours distincte, n'est pas même distincte fondamentalement de la sexualité. Autrement dit, il y a des manières d'allégresse, des manières de plaisir, des manières, disons, d'adéquation avec le réel, qui ne sont pas simplement une manière d'accepter le monde tel qu'il va. C'est la thèse, je pense, initiale de ce livre. Et pourtant, Foucault emploie parfois de manière assez indifférente plaisir et désir. Alors, pourquoi? Est-ce qu'en fait, il se trompe? Est-ce qu'il n'est pas vraiment sûr de son sujet? Est-ce qu'il prend le plaisir parce que justement il y a une idée de provocation derrière, puisque l'époque est plutôt au désir, on va en reparler avec Gilles Deleuze, ou est-ce que vraiment il n'est pas sûr en fait de l'objet qu'il manipule? Je pense qu'il est assez sûr, mais qu'il a une certaine tendance à brouiller les cartes, ou peut-être à parler la langue qui était celle que l'on parlait dans les années, ou à la fin des années 70, et encore au début des années 80, qui effectivement était la langue qui utilisait ce vocabulaire plutôt du désir ou de l'éros. Vous avez cité Deleuze, Deleuze, qui était très proche de Foucault, mais c'était le cas aussi de toute une tradition dont 68 a été en quelque sorte la traduction politique, qui conférait au désir une puissance en quelque sorte explosive ou de transformation radicale de la société. C'est l'époque où on parle de libération sexuelle ou même de révolution sexuelle. Alors là, il faut être assez clair, et Foucault l'est. C'est vrai qu'il l'est davantage dans le tome 1 de l'histoire de la sexualité, La volonté de savoir, où il s'en prend vraiment à ce qu'il considère être un romantisme du désir sexuel, une manière finalement pour le mythe révolutionnaire, ce qu'il considère lui être le mythe révolutionnaire, de trouver un ultime refuge dans la libido. Alors il faut comprendre pourquoi finalement, vous l'avez évoqué dans votre introduction, pourquoi dans les 8 ans qui séparent le tome 1, La volonté de savoir, du tome 2 de l'histoire de la sexualité et de l'usage des plaisirs dont on parle aujourd'hui, eh bien il va transformer sa problématique. Et je crois que ça a un rapport aussi avec cette question du désir, parce que pour le résumer, je dirais, la thèse de Foucault, c'est de considérer qu'il n'y a pas un invariant du désir, comme il n'y a pas un invariant de la sexualité. Au fond, quand on parle de sexualité, on considère que c'est quelque chose, enfin on considère spontanément du moins, que c'est quelque chose de naturel, qui n'est pas historique. Nous avons toujours eu, les êtres humains ont toujours eu une sexualité, certes elle s'est modifiée au cours de l'histoire, alors que Foucault est plus radical dans son nominalisme en quelque sorte, puisque lui considère que c'est seulement à partir du 19e siècle que nous avons appelé l'érotisme, sexualité. Sexualité, ici, ça veut dire, vous l'avez évoqué hier matin, sexualité, ça veut dire tous les discours qui prétendent à la vérité sur notre désir, justement, la psychanalyse en étant évidemment le principal exemple dans la modernité. Or, Foucault, lui, il va chercher, en quelque sorte, c'est un peu le paradoxe de Sylve, qui s'appelle « Histoire de la sexualité », et finalement, à partir du tome 2, il fait la préhistoire de la sexualité, c'est-à-dire qu'il s'intéresse, il va aller chercher chez les Grecs, ce qui n'était pas du tout prévu initialement. Oui, il devait juste remonter aux sources du christianisme. Voilà, son idée c'était surtout de faire une espèce de description des dispositifs de sexualité, sur l'homosexualité, sur le statut des femmes, la perversion, la sexualisation de l'enfance, etc. Donc au fond de traiter d'éléments qui apparaissent dans la modernité, 19e, 20e. Et finalement, il fait non pas un retour aux Grecs, puisque c'est la première et dernière fois qu'il parlera vraiment des Grecs dans son œuvre, donc on pourrait plutôt dire qu'il organise un voyage en Grèce en quelque sorte, qui va, à mon sens, un des éléments de ce retournement ou de cette modification, c'est qu'il veut vraiment montrer que la sexualité, si j'ose dire, ça n'existe pas en soi. C'est-à-dire que chez les Grecs, il y avait tout un discours, chez les Grecs et ensuite chez les Romains, il y avait tout un discours dans l'Antiquité sur ce qu'on appelait, ce qu'ils appelaient d'ailleurs les aphrodisias, les actes de plaisir liés à l'érotisme, mais qui ne s'appelaient pas sexualité, qui ne relevaient pas d'une science, qui relevaient d'un art de vivre. Et finalement, Foucault, quand je dis il fait une préhistoire de la sexualité à partir du tome 2, ça veut dire il va essayer de montrer que le désir, la manière dont la science parle du désir ou de la sexualité dans son sens, par exemple lié à la démographie, lié à toutes ces sciences qui apparaissent effectivement dans la modernité, qui traitent des comportements sexuels des individus, eh bien c'est quelque chose de très tardif, et qu'avant cela il y avait, en particulier chez les Grecs qui vont l'intéresser, une manière de se constituer comme sujet en réfléchissant cette fois-ci sur ses plaisirs davantage que sur ses désirs. La nuance peut apparaître comme subtile, mais pour des raisons philosophiques profondes, Foucault c'est quelqu'un qui privilégie le plaisir sur le désir, parce que dans le désir il y a toujours une dimension au fond, à ses yeux, de transcendance. Au fond c'est lié au manque, c'est quelque chose qui n'est pas c'est là. C'est une visée qui est manquée, le c'est désir. Une visée qui est manquée, ou manquante en tout cas. Qui cherche toujours un au-delà, et Foucault c'est quelqu'un qui est un critique radical de tout ce qui est transcendance, loi et manque. Pour lui, au fond, il va chercher, je crois, alors ça ne veut pas du tout dire qui s'intéresse en historien aux Grecs, sans doute on y reviendra aussi, pourquoi est-ce que tout d'un coup ça lui apparaît d'actualité, mais ce qui l'intéresse fondamentalement dans la manière dont les corps se comportent et dont les discours philosophiques portent sur les corps, c'est justement l'absence de manque, l'espèce de plénitude. Au fond, la recherche, ce qui est un petit peu le leitmotiv de ce tome de l'usage des plaisirs, qu'il sera aussi dans Le souci de soi, la recherche du contrôle et de la maîtrise de soi. Finalement, Foucault va chercher sous la sexualité, ou avant la sexualité, un usage des plaisirs qui soit aussi une manière de se constituer comme sujet moral absolument indépendant, autarcique et individuel. Et qui dépasse le cadre donc des plaisirs sexuels, parce qu'on va voir, il parle aussi du plaisir alimentaire. Il y a tout un chapitre qui s'appelle la diététique, ce qui est assez étonnant. Effectivement, parce que chez les Grecs, il est un fait que les deux modèles du plaisir, fondamentalement, c'est l'alimentation, la consommation alimentaire, je dirais, et la sexualité. Avec évidemment des passerelles entre les deux. Hein. Même chez Freud, on trouvera encore l'idée que finalement, le fait de se nourrir est à la source, pour les bébés, est à la source de la première forme d'érotisme, le fait de ramener tout à sa bouche, etc. Bon, cela dit, chez les Grecs, il y a une réflexion générale, ça Foucault le montre bien, générique, si je puis dire, c'est-à-dire on prend les plaisirs comme un genre dans lequel la sexualité occupe une place centrale, évidemment, mais pas la place absolument fondatrice, contrairement justement à la modernité. Parce que il y a, au fond, dans ce que montre Foucault, il y a chez les Grecs, en particulier ceux du 4e siècle avant Jésus-Christ, qu'il étudie ici, donc la Grèce classique, il y a cette idée que finalement le rapport qu'un sujet entretient avec ses plaisirs en général, qu'il soit alimentaire, qu'il soit lié à la sexualité, et le rapport qu'il entretient avec lui-même. Finalement, nous avons un point commun, où il existe un point commun entre l'érotisme et la diététique, c'est que la question se pose de l'excès et de la mesure. Hein, c'est aussi deux thèmes fondamentaux chez Foucault, où il va montrer que dans l'usage des plaisirs, ce qui importe chez les Grecs, ce n'est pas, puis chez les Romains, c'est pas tellement ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Ce qui importe, et ça vaut pour l'alimentation, pour la boisson aussi, et pour la sexualité, ce qui importe, c'est de trouver un équilibre entre ce qui est démesuré, ce qui est trop, ce qui est insupportable au sujet, et ce qui, par ailleurs, ou par opposition plutôt, marquera une forme de tempérance. À travers quel jeu de vérité l'être humain s'est-il reconnu comme homme de désir ? Il m'a semblé qu'en posant ainsi cette question, et en essayant de l'élaborer à propos d'une période aussi éloignée de mes horizons autrefois familiers, j'abandonnais sans doute le plan envisagé, mais je serrais de plus près l'interrogation que depuis longtemps je m'efforce de poser. Quant au motif qui m'a poussé, il était fort simple. C'est la curiosité, la seule espèce de curiosité, en tout cas, qui vaille la peine d'être pratiquée avec un peu d'obstination, non pas celle qui cherche à s'assimiler ce qu'il convient de connaître, mais celle qui permet de se déprendre de soi-même. Il y a des moments dans la vie où la question de savoir si on peut penser autrement qu'on ne pense et percevoir autrement qu'on ne voit est indispensable pour continuer à regarder ou à réfléchir. On me dira peut-être que ces jeux avec soi-même n'ont qu'à rester en coulisses et qu'ils font, au mieux, partie de ces travaux de préparation qui s'effacent d'eux-mêmes lorsqu'ils ont pris leurs effets. Mais qu'est-ce donc que la philosophie aujourd'hui si elle n'est pas le travail critique de la pensée sur elle-même? Et si elle ne consiste pas, au lieu de légitimer ce qu'on sait déjà, à entreprendre de savoir comment et jusqu'où il serait possible de penser autrement? L'essai est le corps vivant de la philosophie. Si du moins celle-ci est encore maintenant ce qu'elle était autrefois, c'est-à-dire une ascèse, un exercice de soi dans la pensée. C'était un extrait d'Histoire de la sexualité, le volume 2, l'usage des plaisirs dont nous parlons ce matin, interprété par Bernard Gabay. On entend dans ce texte Michel Foucault qui exprime l'inflexion qu'il a donnée à son projet d'Histoire de la sexualité, où il passe effectivement d'une approche, on va dire, biopolitique de la sexualité à une approche éthique du plaisir. Ce qui est frappant dans ce texte, Michael Fossel, c'est que on a l'impression qu'il applique à lui-même, à son cheminement, à sa modification, ce qu'il va appliquer en fait à son sujet, à savoir au plaisir. Il parle effectivement d'ascèse, d'exercice de soi dans la pensée. Finalement, il est en train de faire une mise en abîme de sa propre théorie et de la théorie des plaisirs qu'il va étudier. Oui, tout à fait. C'est un texte qui, d'ailleurs, à bien des égards, est stupéfiant. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'identifie aux objets ou aux sujets dont il parle dans la philosophie grecque. Philosophise, en fait. Voilà, il montre que ce qu'il étudie, c'est aussi ce qu'il a expérimenté. Et au fond, il y a un brouillage constant dans ces textes de Foucault, pas seulement dans ceux qui ont été publiés, d'ailleurs, enfin, du vivant de Foucault, je veux dire, mais dans l'ensemble de ses interventions, très nombreuses dans ces années-là, entre son expérience et la thématique propre et la thématique qu'il développe. Il faut se souvenir, sans emprunter trop à la biographie pour expliquer l'œuvre, cela étant, le texte qu'on vient d'entendre nous permet de faire un pas dans ce sens. Il faut se souvenir que entre 76 et 84, c'est aussi des années où Foucault va très souvent aux États-Unis, voyage en Californie en particulier, et découvre, y compris dans le champ de la sexualité, toutes sortes, je dirais, de pratiques qui, en Europe, ou dans la vieille Europe, étaient considérées encore à ce moment-là comme, ou interdites, ou en tout cas devant être voilées ou cachées, en particulier les saunas, le SM, etc., dont il parlera, hein, ce n'est pas quelque chose là que je fais pas de révélation biographique. Autrement dit, Il me semble que dans une des raisons, mais elle est intéressante pour le présent aussi, une des raisons de cette évolution dans le projet de Foucault, c'est qu'il s'est beaucoup intéressé, non seulement dans le tome 1 de l'histoire de la sexualité, mais déjà avant, surtout dans Surveiller et punir, au sujet comme résultat d'un assujettissement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un sujet? C'est quelqu'un qui est astreint, contraint à des règles, ou plutôt d'ailleurs à des normes, qui le constitue malgré lui, en quelque sorte, en sujet disciplinaire, en sujet prisonnier, en sujet carcéral, ou en sujet sexuel pour ce qui est du premier tome de l'histoire de la sexualité. À partir du livre, du tome 2, pardon, c'est-à-dire aussi sur la base de cette expérience plus heureuse, parce que c'est au fond un livre plus heureux, peut-être plus optimiste, peut-être plus naïvement optimiste d'ailleurs, l'usage des plaisirs que la volonté de savoir, eh bien à partir de ces expériences qu'il a, ou qu'il fait, ou qu'il comprend comme telles, c'est-à-dire des expériences de modification de soi, de transformation de son rapport au corps, grâce à une certaine liberté, assez libérale d'ailleurs, offerte aux États-Unis à ce moment-là, eh bien il va s'intéresser non plus tant à l'assujettissement ou au sujet comme résultat d'un assujettissement que ce qu'il appellera subjectivation ou problématisation. C'est-à-dire, je suis comme sujet le résultat de ma réflexion sur mes pratiques, sur la manière dont je jouis, dont je m'interdis parfois de le faire, dont je mesure ma jouissance. Le point commun dans toute l'œuvre de Foucault, c'est que le sujet n'est pas donné au départ. Le sujet est toujours le résultat de dispositifs, de modifications. Donc il est toujours fabriqué. Voilà, il est en un sens toujours construit. On parle beaucoup du constructivisme aujourd'hui. Il est toujours construit. Simplement, la modalité de cette construction est modifiée. Ici, la construction, c'est une construction de soi. En un sens, une construction de soi par soi, c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, c'était plus optimiste, nous ne sommes pas seulement le résultat des normes qui s'imposent à nous, nous sommes d'abord le résultat des rapports que nous instaurons avec notre corps. Et ça, je pense que c'est quand même lié à cette ambiance post-68 américaine, spécifiquement américaine, d'une libération sexuelle, mais dans le champ vraiment individuel, plutôt que dans le champ politique. C'est vrai que dans le premier volume, La volonté de savoir, Foucault avait l'air plus pessimiste parce qu'il parlait plutôt de effectivement, il critique l'hypothèse répressive, mais les corps sont soumis à des effets de pouvoir. Il est à peine question de liberté ou de résistance. La libération, en plus, est plutôt critiquée, elle aussi. Alors que dans le texte qu'on vient d'entendre, il parle des jeux avec soi-même. Et l'idée même de jeu laisse penser qu'il y a une forme de liberté du sujet pour effectivement marquer des écarts avec lui-même et se réapproprier ces écarts-là. Et le concept de jeu est absolument central chez lui, parce que ça suppose, comme toujours quand on emploie ce terme, à la fois une forme de liberté, vous l'avez dit, et des règles. Et Foucault, c'est quelqu'un qui justement s'en est pris beaucoup, beaucoup trop à mon avis, au schéma de la libération sexuelle, au nom d'une certaine naïveté de cette libération, qu'on pourrait inventer ou transformer les règles du jeu, ou plutôt laisser tomber ce jeu lui-même. Alors que Foucault, lui, pense plutôt, en tout cas dans cette œuvre tardive, que ce que l'on peut faire, la manière dont on peut être un peu moins gouverné, un peu moins dominé par des systèmes répressifs, par exemple, ou disciplinaires, c'est de modifier les règles du jeu. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais même tous les textes qu'il a écrits sur le SM. Justement, le SM, c'est ce jeu avec les règles du jeu, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a des règles, elles sont même assez contraignantes, mais c'est nous qui les fixons, nous pouvons les modifier à tout instant. Et ça, c'est le concept de liberté que se donne Foucault. C'est-à-dire, il n'a pas la naïveté de penser que il puisse ne pas y avoir de règles, il puisse ne pas y avoir de normes. Et Dieu sait que chez les Grecs dont il parle, il y a des règles, il y a des normes, mais ce ne sont pas des normes qui sont ou des règles sur la modalité, qui sont sous la modalité de l'interdit ou de la morale. Et ce qui le fascine chez les Grecs dont il parle, les Grecs du 4e siècle, avant Jésus-Christ, eh bien précisément, c'est que ils sont saturés de règles, mais qu'ils jouent avec elles, et que leur plaisir se trouve quelque part aussi dans ce jeu avec les règles, cette possibilité de les modifier. Donc il y a chez Foucault quelque chose comme la recherche d'une stylisation de soi, de quelque chose de ludique dans la sexualité, qui est le principal concept qu'il se donne de la liberté. Ce qui peut-être pose problème, parce qu'il y a quand même chez les Grecs aussi un concept de liberté politique qui, pour le coup, n'apparaît pas du tout dans son œuvre. Et bien justement, dans le texte, il est question, on pourrait interroger quand même ce que dit Foucault ici. Qu'est-ce donc que la philosophie aujourd'hui, si elle n'est pas le travail critique de la pensée sur elle-même? Encore faut-il savoir ce que Foucault entend ici par travail critique. Parce que justement, est-ce que c'est une critique telle qu'on peut l'entendre, une critique politique du monde dans lequel on vit? Est-ce que son approche des plaisirs permet de réinterroger la manière dont on s'approprie nos corps, mais pas seulement nos corps individuellement, mais nos corps aussi tels qu'ils sont formatés par nos conditions de vie, notre travail, notre milieu social? Alors justement, la notion de critique ici est centrale, parce qu'on sait aussi que Foucault, dans toute cette période, a beaucoup réfléchi sur cette notion, revenant même à qu'est-ce que les Lumières de Kant, et réfléchissant à la question qu'est-ce qu'est-ce que c'est que la critique? Et là, c'est là où je dirais, il devient, au-delà de ce qu'il dit de la vie des Grecs, si je puis dire, ou de l'usage des corps qu'il faisait, il devient très actuel, d'ailleurs, dans le texte que vous avez cité, c'est bien aujourd'hui le travail critique de la philosophie. C'est que, je pense que c'est une hypothèse, là, Foucault ne le présente pas comme ça, hein, c'est comme ça que je le lis. Foucault s'est rendu compte, et d'ailleurs il s'en est félicité, que la question, disons, de la critique au sens plutôt révolutionnaire, radical, des choses, la critique politique dans un sens qui serait hérité à la fois, disons, du point de vue de la critique juridique du monde, de la tradition kantienne, et du point de vue de la critique sociale de Marx, que ce modèle était en train de s'effondrer, et pour de bonnes raisons, hein, liées effectivement à tout ce que nous savions de ce que cette transformation du monde, la critique comme transformation radicale de la société avait, je dirais, avait échoué. Et alors il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire en termes de critique? Qu'est-ce qu'on peut penser et pratiquer, si je puis dire, en termes de critique, une fois qu'on a abandonné l'idée de la transformation du monde? Eh bien, il reste la modification de soi. Hein. On disait parfois transformer le monde pour changer sa vie. Bah, Foucault, c'est plutôt changer sa vie en ne pensant plus qu'on pourrait transformer le monde. Et changer sa vie, ça veut dire, par exemple, ce qu'il dit là, modifier son rapport à soi, expérimenter des plaisirs qui nous déplacent un peu par rapport à ce que nous avions l'habitude de désirer. Au fond, envisager des plaisirs qui contredisent un peu nos désirs, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je pensais être attiré par tel type de corps, je pensais être attiré par tel type même de nourriture, et tout d'un coup, j'ai par le plaisir, par la manière dont je l'envisage et dont je le pratique, une sorte de déplacement par rapport à soi-même. La critique devient de plus en plus, pour Foucault, à ce moment-là, d'une manière générale, une manière de modifier l'individualité que je suis. Au fond, c'est ça la subjectivation, devenir un autre, non peut-être pas un autre sujet, mais un sujet autrement, un sujet différemment, avec évidemment le risque qu'il y a d'individualisme très fort dans cette manière d'appréhender les choses. Les arts de vivre tels qu'on les voit se développer dans l'Antiquité grecque et romaine, au début du christianisme, portent essentiellement sur l'être qu'on est. Il concerne bien les choses qu'on peut faire, mais essentiellement et surtout dans la mesure où à travers les choses que l'on peut faire, les choses qu'il faut faire, les gestes qu'il faut accomplir, eh bien, on peut transformer ce qu'on est. Alors que, me semble-t-il, l'évolution des arts de vivre depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle tendront, si vous voulez, de plus en plus à définir ce qu'il faut faire, à définir et à graviter de plus en plus autour de ce qu'on pourrait appeler grossièrement, schématiquement, un apprentissage professionnel. Le passage de l'art de vivre à la formation professionnelle est évidemment une des grandes évolutions que l'on peut constater et qui est un des facteurs qui ont amené la disparition de l'art de vivre comme genre autonome de réflexion et d'analyse. C'était un extrait de Foucault, donc c'était un extrait de ses cours au Collège de France en 1980-81. Peut-être avez-vous entendu quelqu'un qui toussait en fond de manière permanente, donc c'est bien un cours, c'est pas un entretien à la radio. Ses cours s'appelaient Subjectivité et Vérité, et on a bien entendu dans cette archive ce passage en fait d'un art de vivre maintenant à une formation professionnelle. Alors l'expression est un petit peu provocatrice, mais on est en droit de se demander avec ce deuxième volume de l'histoire de la sexualité, donc l'usage des plaisirs, si Michel Foucault lui-même, en fait, ne réinjecte pas une forme, effectivement, non pas d'art de vie, mais aussi de formation presque de performance individuelle, en voulant à tout prix se recentrer sur les plaisirs de l'individu et non pas les plaisirs collectifs. Michel Fossel. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que il s'intéresse aux Grecs, et s'intéressant aux Grecs, il s'intéresse aussi à une certaine structure de la société où l'usage des plaisirs était réservé d'abord, aux citoyens libres, c'est-à-dire aussi bien aux mâles, enfin aux hommes oui, au sens masculin du terme. Par conséquent, il y a certes un chapitre qui est consacré à l'économie de la domesticité où apparaît la figure de l'épouse, de la femme par conséquent, mais de manière parfaitement subordonnée. Et donc il y a aussi chez Foucault, faut pas oublier que Foucault, après tout, sa référence philosophique fondamentale, c'est quand même plutôt Nietzsche, hein, c'est Nietzsche, en tout cas ça n'est pas Marx, et par conséquent il y a chez lui quelque chose qu'un petit peu d'aristocratique, il y a une fascination pour ce mode de vie qui laisse de côté la question sociale, pour le dire simplement. Alors du coup, on vient de l'entendre, il dit au fond chez les Grecs, je suis ce que je fais, il n'y a pas une essence ce qui serait donné a priori, une essence de la nature humaine, ou chose qu'il placera plutôt dans le christianisme, une nature humaine à laquelle nous devrions nous subordonner ou nous soumettre. Le sujet n'est que la somme de ces, non seulement de ses actions, mais de ses actions liées au plaisir, finalement une sorte de ce point de vue d'aristocratisme de la jouissance, une sorte de liberté de jouer, pour le coup, on l'évoquait tout à l'heure, avec les normes, avec les règles. On pourrait un peu le discuter parce qu'il faut quand même noter que les philosophes grecs qui intéressent Foucault sont soit gréco-romains, soit la période, disons, ça vous en parlerai demain, je pense, sur le souci de soi hellénistique, c'est-à-dire qui vient après l'effondrement de la cité au moment où la politique n'est plus centrale, soit là, ils parlent certes de Platon, d'Aristote, mais dans des textes assez mineurs de Platon et d'Aristote, c'est-à-dire, enfin mineurs, ils ne les considéraient pas lui comme mineurs, mais des textes où effectivement Aristote et Platon parlent de la manière dont il faut se nourrir, de la diététique, du rapport au garçon, du rapport à la sexualité, du plus qui ne doit pas devenir un trop, bon, etc. Par contre, il est un peu difficile de dire, en particulier à propos de Platon, qu'il n'y a pas aussi une essence du désir, une recherche du désir comme désir de vérité, et ça, Foucault très consciemment, hein, c'est pas du tout qu'il l'ignore, il ne l'ignore pas, mais le laisse de côté, au fond, il prend un Platon sans le platonisme, ou il prend même... Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il est fondamentalement anti-platonicien, c'est-à-dire que il va chercher chez Platon tout ce qui est compatible avec Nietzsche, si je puis dire, c'est-à-dire une recherche de... ou une insistance plutôt sur le champ des apparences, quoi. C'est-à-dire, finalement, il n'y a pas d'essence du désir, pas d'essence même, d'ailleurs, de la vérité, si je puis dire. Nous sommes comme sur une scène d'une esthétique de soi, hein, la formule est chez Foucault, une stylisation de soi, ce qui existe. Il est vrai, il est bien connu que chez les Grecs, il y avait tout un art de l'apparence, un art de vivre, c'est-à-dire, il était fondamental de se montrer comme n'étant pas dans l'excès, de ne pas se montrer ivre, par exemple, même si, par ailleurs, on dégustait quantité de vin, mais d'avoir un souci de sa propre apparence, mais qui, dans la philosophie grecque, du moins, ne se fait pas seulement au détriment de l'essence. C'est quand même l'idée qu'il y a Eros, hein, c'est-à-dire ce qui signifie ou désigne le désir chez les Grecs, est l'objet d'une réflexion vraiment en termes philosophiques fondamentaux. Alors ça n'intéresse pas Foucault, plutôt il fait comme si ça n'était pas central, parce que ben, Foucault, encore une fois, il cherche une espèce de plan de vie, on pourrait dire, en quelque sorte, où la manière dont j'expérimente mes plaisirs n'est pas référée à un code, à une règle, à une loi ou à une essence. Au fond, il n'y a pas, et de ce point de vue-là d'ailleurs, on ne peut pas lui en faire grief, il n'y a pas une naturalité ou une essentialité de nos corps vers laquelle nous serions nécessairement destinés à bien vivre une vie conjugale, réglée, etc. Donc il y a quand même cette espèce de mise en avant de la pratique de soi comme d'une esthétique qui fait de Foucault quelqu'un qui envisage la politique de plus en plus à partir de ces années-là, qui sont aussi les dernières années d'ailleurs de sa vie, comme une manière de stylisation faute de réflexion ou faute d'espérance plutôt dans ce qui relève du collectif. Il est clair que chez Foucault, le plaisir est une question politique, mais à condition de séparer, ce qui est peut-être un peu délicat, le plaisir du collectif. Hein, c'est-à-dire qu'on est plus quand même dans le champ avec l'usage des plaisirs, d'une éthique, jusqu'où je peux aller dans la satisfaction de mes désirs, qu'est-ce que je peux boire, qu'est-ce que je peux consommer, avec qui puis-je entretenir des relations sexuelles, d'une manière, au fond, où il s'agit de sculpter sa propre vie comme une œuvre d'art. Hein. Mais ça, c'est paradoxal, parce que non seulement c'est contradictoire avec une visée politique, mais peut-être qu'il ne la recherche pas, en fait, d'ailleurs, peut-être qu'il est vraiment dans un individualisme libéral propre aux années 80, voire néolibéral, mais c'est contradictoire aussi avec cette idée quand même dont on a parlé sur la volonté de savoir, qui est de dire vrai sur soi. À quel moment on peut dire vrai sur soi si tout est une construction, une esthétisation et donc une fabrication? Est-ce qu'il n'y a pas un fantasme de soi? On n'est pas le produit de soi-même et donc quelque chose de... La fabrication n'est pas forcément contraire à la vérité, mais on joue un rôle d'une certaine manière. Ben justement, dans la formule « dire vrai sur soi » que Foucault utilise beaucoup dans ces années-là, ce qui compte le plus, c'est dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas, ça n'est pas dire la vérité sur soi, parce que ça, Foucault est clairement là-dessus, je dirais encore une fois, nietzschéen, peut-être nominaliste. C'est-à-dire, et quelle différence entre dire vrai et dire la vérité? Précisément, alors là, c'est là où ça devient intéressant de parler du plaisir, parce que je pense que dire vrai du soi, ou savoir que l'on dit quelque chose de vrai sur soi, s'atteste dans le plaisir. C'est-à-dire que ce n'est précisément pas une vérité au sens théorique, ce n'est pas quelque chose, si on prend pour rester sur la question du plaisir ou de la sexualité, ce n'est pas du tout le dire vrai psychanalytique qui intéresse Foucault, c'est-à-dire ce n'est pas une science qui viendrait chercher une vérité de mon propre désir ou d'ailleurs de ma propre libido et de la souffrance qui peut lui être liée, qui chercherait une vérité de mon symptôme, par exemple. Ce n'est pas cette vérité dans le sens scientifique qui intéresse Foucault. Au contraire, d'ailleurs, d'une certaine manière, il est assez critique avec cela. Le dire vrai, c'est la manière d'être en adéquation avec soi. C'est un concept quasiment esthétique de la vérité, aussi étrange que cela puisse paraître, mais dans une tradition nietzschéenne, on peut l'entendre. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, disait Nietzsche. C'est-à-dire, l'art produit une forme de mentir vrai qui nous protège de cette espèce d'injonction à la vérité, au sens plutôt scientifique du terme. Donc, au fond, dire vrai sur soi, c'est trouver un mode d'adéquation avec son corps, avec son plaisir et avec les autres, qui permettent, au fond, de jouir sans entrave, non, mais de jouir d'une manière qui soit belle, qui soit parfaite. Il y a aussi un perfectionnisme moral chez lui. Ben justement, morale ou pas? Et qu'est-ce qu'il faut entendre par morale? Ça veut dire justement morale dans un sens de régulation des plaisirs, ni trop, ni pas assez, ou morale, moralisateur, parce qu'il y a un rapport avec le bien et le mal. On parlait de l'aveu hier, donc... Alors justement, là, dans le il l'emploie d'ailleurs indifféremment éthique et morale, mais on dirait plutôt quand même que ce qui l'intéresse, c'est l'éthique, parce que la morale, si elle doit être au sens kantien, la distinction entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, entre la loi et ce qu'elle interdit, ou entre le bien et le mal, ça évidemment, ce n'est pas ce qui intéresse Foucault. Il dira d'ailleurs que finalement, cette conception-là apparaîtra plus clairement avec le christianisme au moment où on va retrouver l'essence, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis? Je suis un être pécheur, c'est pour ça que j'ai une sexualité, c'est pour ça que j'ai des désirs. Alors là, je vais m'interroger en termes de morale au sens strict. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'éthique, c'est-à-dire une manière d'être en adéquation avec l'image que je me fais de moi-même. En fond, c'est ça fondamentalement l'affaire. C'est-à-dire... Qui n'a rien à voir avec ce qu'on pensait attendre du premier volume de l'histoire de la sexualité, où on pensait qu'il y avait un principe d'intelligibilité de mon être contenu dans ma sexualité. Penser qu'en se penchant sur nos pratiques sexuelles, on découvrirait notre essence. Et finalement, en fait, Foucault nous fait prendre le chemin inverse qui est, non, vous n'allez pas découvrir l'essence de votre être. Au contraire, vous allez créer votre être. Vous allez créer votre être, ou plutôt vous allez créer votre paraître. Parce que finalement, il n'y a plus, derrière les apparences, comme disait déjà Nietzsche, il n'y a plus rien. Donc par conséquent, l'idée, c'est bien ce que dit d'ailleurs la métaphore du jeu. C'est-à-dire qu'avec le jeu, je joue avec moi-même, je joue éventuellement avec les autres, mais c'est-à-dire je construis une identité, en quelque sorte, qui est une identité fragile, une identité avec laquelle je peux rompre à tout instant, mais qui ne m'est pas donnée d'emblée, qui d'ailleurs n'existe pas en tant qu'identité de moi-même. Donc c'est une œuvre, l'œuvre tardive de Foucault, qui va, c'est son côté, si l'on veut, optimiste, peut-être optimiste un peu libéral, certes, mais c'est quelqu'un qui va dédramatiser fondamentalement la question du plaisir. Par rapport à toute la charge névrotique, la charge pulsionnelle, la charge perverse même, qui était très présente encore dans la volonté de savoir, le tome 1, tout cela disparaît complètement. Évidemment, on est chez les Grecs, donc la question ne se pose pas dans ces termes. L'usage des plaisirs, il est très peu question de la souffrance. Il n'est pas du tout question de la souffrance, même de celle qui est liée au plaisir raté ou au plaisir excessif. Il est question, en revanche, d'une sorte de tentative, il faut toujours avoir à l'esprit que Foucault, parlant des Grecs, s'adresse à nous. Une tentative de modifier notre vie, de trouver une adéquation avec nous-mêmes qui ne soit pas référée à une sorte de charge morale trop importante, voire même et aussi d'ailleurs avec le souci de faire du plaisir un enjeu véritablement politique au sens classique du terme, parce que Foucault, ça complique aussi un peu les choses. Il a tendance aussi à dire qu'au fond il faut transformer le concept de politique, considérer que la politique, ça commence au niveau de nos relations interindividuelles. Au fond, il y a, et là aussi il est très très en avance, en quelque sorte, sur ce que nous vivons, et ici, à juste titre, considérer qu'est politique, on a beaucoup parlé de savoir, on se pose aujourd'hui la question, elle est d'ailleurs résolue en partie, est-ce que l'intime, c'est politique? Est-ce que ce qui se passe dans une chambre à coucher, c'est politique? Alors Foucault dirait, si vous entendez par politique le fait de devoir faire rentrer l'État, la norme, la discipline dans les rapports interindividuels, ce n'est pas politique, ça au moins il tiendrait ferme là-dessus. La loi, ça, ce n'est pas la loi qui réglera les questions de l'intime. Par contre, il considère déjà que effectivement, il se joue quelque chose comme un jeu avec les normes dans nos rapports érotiques, les plus, si je puis dire, les plus simples, les plus élémentaires, et que donc le plaisir est politique. Simplement, il est politique au sens, on pourrait presque dire, paradoxal, oxymorique, une politique de soi. C'est-à-dire, il faut pas oublier que Foucault réfléchit beaucoup aussi au thème de se gouverner soi-même, se gouverner soi-même et les autres. Donc ici, gouvernement, on est est dans un schéma politique, mais appliqué à soi, au sujet, c'est un petit peu comme si finalement Foucault se disait la politique au sens, je dirais, collectif, transformation générique du monde, ou en tout cas modification des coordonnées de la société, c'est derrière nous. Hein. Ce qu'il nous reste, c'est la possibilité de nous modifier nous-mêmes, d'appliquer une sorte de politique de nos rapports interindividuels. De ce point de vue-là, à mon avis, il va trop loin dans le sens de l'individualisation de nos pratiques, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas perçu quelque chose qui allait fondamentalement nous marquer et qui nous marque encore, c'est-à-dire, au fond, nous ne savons plus très bien où se situe la politique, est-ce qu'elle se situe, nous sommes en période, là, enfin, nous sortons d'une longue période électorale, et on ne sait pas si la politique se situe vraiment encore au niveau des institutions, si elle ne commence pas déjà dans les relations les plus individuelles, dans les relations entre les sexes, entre les genres, et cette espèce de d'indécision sur ce que politique veut dire, et à mon avis aussi très très très présente dans l'œuvre tardive de Foucault, où l'usage des plaisirs, c'est un usage à la fois individuel et qui prétend néanmoins à modifier notre expérience. T'es nerveux? Pourquoi veux-tu que je le sois? Ah, si, t'es nerveux. Tu crois? Non. C'est qu'un simple dîner. Rien d'extraordinaire. Sinon, tu sors avec quelqu'un en ce moment? Non, j'ai personne. Et toi, t'as quelqu'un? Non. Non, c'est vrai? Mais comment ça se fait? Je n'en sais rien du tout, c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie, ouais. En ce qui me concerne... Je me suis séparée de mon mari. Oh. Ouais, c'est encore tout récent. Je vois. T'as été mariée longtemps? Non, j'ai pas été mariée longtemps. J'ai essayé de tenter le coup, ça n'a pas marché. Pas étonnant. Voilà. Quoi? On a fait qu'effleurer le sujet, mais pour toi, le mariage, c'est que du négatif. Oui, je dis pas le contraire. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à vouloir se marier, et qui plus est dans la société d'aujourd'hui. Ah oui? Ouais, je vois vraiment pas l'intérêt. Pour avoir une relation durable? Ça me semble pas du tout réaliste. T'es sérieux quand tu dis ça? Oui, tout à fait. Oh. Si c'est le cas, alors qu'est-ce qu'on fait là si on se fiche complètement l'un de l'autre? Ben... Pourquoi t'es là? On est censé très bien manger ici, c'est tout. Non, je plaisante. C'est pas ce que je voulais dire, mais je sais pas, tu comprends l'idée de... Rester avec la même personne jusqu'à la fin de sa vie, pour moi, c'est... Je sais pas, il y a qu'à observer quand tu vas au restaurant. C'est fréquent de voir un tas de couples qui ne communiquent pas entre eux. Ils n'ont plus rien à se dire, ils ont l'air de s'ennuyer. Ils n'ont peut-être plus besoin de se parler pour se comprendre. Ou alors c'est parce qu'ils s'ennuient ensemble. L'organisation sociale de l'instinct sexuel met sous tabou, comme perversion, à peu près toutes les manifestations qui ne servent pas la fonction de reproduction ou qui n'y préparent pas. Les perversions expriment ainsi la rébellion contre la soumission de la sexualité à l'ordre de la procréation et contre les institutions qui défendent cet ordre. Dans une société répressive qui impose qu'on mette sur un même plan ce qui est normal, ce qui est socialement utile et ce qui est bien, les manifestations du plaisir pour son propre compte apparaissent nécessairement comme les fleurs du mal. Contre une société qui utilise la sexualité comme moyen pour réaliser une fin socialement utile, les perversions maintiennent la sexualité comme fin en soi. Elles se placent ainsi en dehors du règne du principe de rendement et mettent en question sa base même. Elles établissent des relations libidineuses sur lesquelles la société doit jeter l'anathème, parce qu'elles menacent de renverser le processus de civilisation qui a transformé l'organisme en instrument de travail. Elles sont le symbole de ce qui a dû être supprimé pour que la répression puisse dominer et organiser la domination toujours plus efficace de l'homme et de la nature, le symbole de l'identité destructrice de la liberté et du bonheur. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Une infidélité à Michel Foucault, puisque nous venons d'entendre non pas l'histoire de la sexualité, mais Eros et civilisation de Herbert Marcuse. C'est un texte qui date de 1955. dans lequel Herbert Marcuse affirme qu'il y a une possibilité subversive du plaisir. Et effectivement, c'est peut-être une perspective que Foucault a oubliée et que nous avons aussi peut-être oubliée, puisque dans l'extrait qu'on a entendu juste avant, c'est l'extrait du film de Steve McQueen, Shame, le héros, interprété par Michael Fassbender, a un rapport totalement contrôlé à son addiction au sexe. Il passe son temps en fait à se masturber et à avoir des rapports sexuels de manière très contrôlée. C'est presque une performance. Et effectivement, cette dimension subversive du plaisir, qui pourrait être inattendue, imprévisible, est perdue par nous peut-être et aussi par Foucault. Alors Foucault, dans le tome 1 dont vous avez parlé hier de l'histoire de la sexualité, sans le citer, mais en tous les cas le vise, Marcuse, c'est-à-dire il vise un peu la tradition dont Marcuse est issu, c'est ce qu'on appelait le freudo-marxiste, une espèce de synthèse entre la transformation du monde, le marxisme, et puis la transformation de soi, la modification de ses propres états de conscience, le freudisme. Alors Foucault, évidemment, est absolument hostile à cette perspective selon laquelle le désir sexuel serait encore une puissance d'émancipation, hein, perspective qui était très présente encore en 68. Et son argument, qui d'ailleurs m'est passé un peu dans les mœurs aujourd'hui, si je puis dire, c'est un argument un peu d'ironie à l'égard de la libération sexuelle, puisqu'il n'y a pas vraiment de liberté radicale dans ce champ-là. Au fond, la libération sexuelle devrait mener justement à shame, hein, c'est-à-dire de ce point de vue-là, il a anticipé, c'est-à-dire à une sorte de sexualité débridée mais triste. Au fond, on entend ça un peu régulièrement. Au fond, débridée et bridée. Et bridée, voilà. Alors ça, c'est Marcuse qui va nous permettre de comprendre pourquoi elle est quand même bridée, justement, parce que dans la perspective plutôt individualiste qui triomphe aujourd'hui, on a l'idée que finalement, la révolution sexuelle a mené soit à la terreur, alors ça c'est les réactionnaires qui nous expliquent que c'est MeToo, que le féminisme a rendu impossible la jouissance, soit à la misère. Hein, comme toute révolution, ça mène ou à la terreur ou à la misère, parce que nous n'aurions jamais été aussi malheureux sexuellement que depuis qu'au fond nous avons acquis une certaine forme de liberté individuelle. Alors, ce qui est intéressant avec Marcuse et avec Shame, peut-être faut dire un mot de ce film, oui. C'est que ce héros, Brandon, est une sorte de représentant de la mondialisation heureuse, la trentenaire assez étincelante, beau garçon, libéral. vivant dans un très bel appartement, enfin très bel, très froid appartement, mais très cher appartement de Manhattan, et que sa sexualité, en revanche, elle, est d'une tristesse affligeante. Bon, bien sûr, une masturbation quotidienne, on l'a fait un peu de lui le symbole de ce qu'on appelle le sexe addict, et le recours systématique à la prostitution. Il est dans l'incapacité, finalement, à entretenir un rapport érotique avec l'altérité. Il veut contrôler, au fond. Et c'est là où on rejoint un peu Foucault et Marcuse, ou leur conflit, avec ma tendance, je l'avoue, à donner raison à Marcuse. Parce que Foucault défend beaucoup, dans l'histoire de la sexualité, les tomes 2 et 3, un modèle qu'il appelle l'ascèse, hein, c'est-à-dire le désir de contrôler nos plaisirs, le souci de soi, c'est-à-dire le souci d'être en permanence, comme il le dit, à la verticale de soi-même, c'est-à-dire de ne pas simplement subir en quelque sorte nos désirs comme nous venant du dehors, mais essayer d'entretenir encore une fois un rapport maîtrisé de contrôle. Il y a quand même un idéal du contrôle très fort dans la manière dont Foucault décrit le plaisir, et il se trouve que le concept d'ascèse est déjà présent chez les Grecs qu'il évoque. Mais l'ascèse aujourd'hui, elle existe dans le champ du plaisir, elle n'est plus une ascèse religieuse interdit du plaisir. Brandon, c'est quelqu'un qui a le droit de pratiquer toute forme de sexualité. Donc elle ne viendrait plus de l'extérieur, contraint par un pouvoir extérieur qui nous donnerait des règles ou des contraintes à suivre. Tout à fait, elle a été intériorisée sous la forme de ce que, alors là, Marcuse appelle le principe du rendement. Parce qu'au fond, l'ascèse, dont on sait depuis Weber qu'elle a quand même un rapport, l'ascète qui calcule toujours en termes de gains et de bénéfices toutes ses jouissances, a un rapport avec le capitalisme. L'ascèse, c'est le fait d'au fond vouloir entretenir avec son propre corps un rapport de domination absolue, comme si rien, au fond, littéralement, ne devait entrer dans notre corps qui puisse le perturber. Et là, c'est pour ça que ça joue aussi dans l'alimentation, le calcul du nombre de calories qu'on consomme par jour. L'homme ascétique contemporain, c'est vraiment Brandon, parce que par ailleurs, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de gymnastique, enfin plutôt de musculation, de sport, qui calcule le nombre de pas qu'il a fait. Donc c'est quelqu'un qui, au fond, veut absolument entretenir un rapport de domination de ses représentations sur son corps. Rien dans son corps ne doit lui échapper. Mais ça le rend profondément malheureux, triste et d'ailleurs indigent même d'un point de vue politique. Ce qui fait que dans la scène qu'on a entendue, il rencontre là une possibilité amoureuse. Une femme de couleur dont il ne comprend pas très bien pourquoi elle est engagée d'ailleurs dans des combats contre la ségrégation raciale, puisque c'est quelqu'un qui est très aveuglé aussi par son individualisme. Mais au moment où la possibilité que le plaisir ne soit plus rendement, que le désir, comme dirait Marcus, ne soit plus simplement... Certes, sans tabou, hein, c'est-à-dire que Brandon peut aussi avoir des relations homosexuelles, c'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, le capitalisme, on peut dire, la société contemporaine, a fait lever les tabous. Mais Foucault a tort de considérer que dans la tradition ouverte par Marcus, celle de qui a encore une fois été présente en 68, il suffisait de lever les tabous pour finalement libérer la sexualité. Parce qu'au fond, on l'a libéralisée, la sexualité, on l'a pas libérée. On l'a libéralisée, c'est-à-dire que bah, Brandon, c'est quelqu'un qui effectivement calcule en termes de coûts, de bénéfices, de profits, au fond, chacun de ses investissements libidineux, et qui au moment où eh bien, il perd le contrôle, ou il pourrait perdre le contrôle. Il fait une vraie rencontre, en l'occurrence ici avec cette femme. Là, il n'y a plus personne, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il prend peur parce que, au fond, il est tellement assujetti au principe de rendement. Hein, Marcus appelle principe de rendement le fait que le capitalisme contemporain, par la consommation, par l'exigence aussi d'être toujours autonome, maîtrise de soi, être maître de ses propres jouissances, eh bien, a fait de nous, au fond, même dans le champ de la sexualité, des entreprises. Et le fait que le principe de réalité aujourd'hui, c'est le fait que, nous n'avons de plaisir qu'à ce qui nous est utile. Et au fond, c'est là ce qui pourrait, à mon avis, être la limite de la perspective de Foucault. C'est d'avoir en quelque sorte anticipé un peu, il écrit aussi beaucoup sur le néolibéralisme dans ces années-là, anticipé sur cette manière finalement de laisser de côté l'idée qu'il puisse y avoir dans le plaisir collectif aussi une manière de dynamiter un peu le réel social, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire de faire que nous ne soyons pas simplement de pauvres Brandon abandonnés à la tristesse de nos pauvres plaisirs, en quelque sorte, jusqu'à ce que, ce qui est très beau dans le film Shame d'ailleurs, c'est que bon, il faut pas spoiler, donc je ne dis pas, mais cette vie sous l'instance du contrôle, cette ascèse permanente, ce désir, ou plutôt cette exigence de toujours limiter mon corps par la représentation, au fond, c'est invivable. Hein, il y a un moment où ça explose, oui. Et c'est très bien montré dans le film. Mais il y a aussi cette, peut-être, est-ce qu'il y a une confusion chez Foucault entre l'ascèse et l'austérité, parce qu'il en fait presque quelque chose de joyeux, l'austérité, alors que l'austérité reste quand même un terme proprement austère. Et vouloir à tout prix réhabiliter un terme en faisant autre chose qu'il est une manière aussi de nous tromper. C'est-à-dire que l'austérité a rarement des chances d'être joyeuse et effectivement de nous libérer, mais plutôt, comme vous l'avez dit, Michael Fossel, de nous libéraliser, c'est-à-dire en fait de nous soumettre à des lois libérales et donc de calcul, des peines, des plaisirs, de maîtrise et donc effectivement produire le contraire aussi de la sexualité, à savoir un orgasme, de la jouissance, une dépense d'énergie. Oui, l'austérité, même en matière budgétaire, si vous voulez, c'est ce qui est présenté en général comme l'équivalent de la rationalité. Oui. Hein, c'est-à-dire que, au fond, il ne faut pas trop de dépenses par rapport aux rentrées d'argent, si je puis dire. Et puis après tout, ce schéma, y compris chez Freud, hein, après, l'investissement psychique, c'est libidinal, pardon, il en parle. Le schéma économique peut tout à fait s'appliquer au corps et pourquoi pas au plaisir. Alors, Foucault, dans l'ascèse qui l'intéresse, il a tendance à, enfin, il n'a pas tendance, il le fera, à opposer l'ascèse chrétienne, qui effectivement, elle, est très condamne les plaisirs, hein, je schématise un peu, mais à l'ascèse grecque qui l'intéresse, puis stoïcienne, dont il affirme que c'est au fond une ascèse qui ne condamne pas les plaisirs, mais qui cherche à les maîtriser, qui trouve du plaisir dans la maîtrise. Et oui. le fait d'avoir une sorte de jouissance, de parvenir à ne pas s'arrêter de boire le verre de trop, ou s'arrêter d'avoir la fête dont on ne revient que, je dirais, titubant, ou d'avoir une sexualité un peu débridée. Finalement, Foucault, on en a une image assez... fausse, je trouve, parfois, quand on le présente comme ça, comme quelqu'un qui serait dans une espèce de liberté sexuelle débridée, pas du tout. C'était un individu, et d'ailleurs, c'était bien son droit, qui cherchait quand même une forme de domination sur soi, peut-être aussi sur les autres, mais en tout cas sur soi, dans ses modalités de sa propre sexualité, ce qui n'est pas ici central, mais c'est les thèmes qui l'intéressent. Hein, donc, le gouvernement de soi, le littéralement. Le gouvernement de soi, sa fascination pour, tardive, certes, mais enfin, pour le stoïcisme, est quand même tout à fait révélatrice. Hein, c'est-à-dire, il s'agit tout de même d'être le maître de soi-même et de ses plaisirs. Je ne nie pas d'ailleurs qu'il y ait un plaisir à être le maître de ses plaisirs. Simplement, évidemment, c'est tout à fait en réaction, cela, et je pense consciemment que Foucault le fait contre cette espèce de fête permanente qu'a été 68, hein, cette manière. Il avait un côté réac par rapport à 68? Il a été très absent, en tout cas, de 68, et très réac. Bon, en tout cas, ça n'a pas, après tout, il a eu un différend avec Deleuze là-dessus. Ils étaient tous pourtant très très très proches, mais Deleuze est du côté du désir, si l'on veut, dans sa puissance, dans sa profusion, sa puissance et son absence de limite, en un sens. Alors que Foucault est du côté du plaisir, mais d'un plaisir quand même spécifique, qui est le plaisir. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur ce point de la maîtrise et de la domination de soi, ce qui est très présent effectivement, l'idéal de maîtrise chez les Grecs dont il parle. Ce sur quoi Foucault n'insiste pas, c'est que, quand même, centralement, cet idéal de maîtrise, il n'est pas dans le champ de la sexualité et des plaisirs, il est dans le champ de la politique. C'est-à-dire, il s'agit de constituer une cité alors, à l'époque, évidemment, que d'hommes et de mâles citoyens libres. C'est-à-dire qu'au fond, tout le rapport entre... On sait bien que Platon dit le plaisir est comme un tyran sur nous, mais finalement, ça veut dire que ce qui est mauvais dans le désir ou dans le plaisir, c'est ce qui, d'une certaine manière, nous rend plus libres. C'est comme le tyran dans la cité. Et ça, c'est un aspect politique qui est un peu, méconnu. Mais il y a aussi quand même dans la volonté de savoir cette idée que Foucault effectivement souligne, mais dont il ne parle pas dans l'usage des plaisirs, qui est toute l'ambiguïté de la biopolitique, qui est à la fois d'investir la vie et donc de miser sur la sexualité, sur cette force, sur cette dépense d'énergie, tout en la régulant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un équilibre à trouver, et c'est ce qu'on retrouve dans l'usage, dans la maîtrise des plaisirs, un équilibre à trouver, une forme à des limites, à ne pas franchir, à la fois investir la vie, mais que cette vie ne se retourne pas contre elle-même. Oui, simplement dans la volonté de savoir, il est surtout question encore ici du collectif, c'est-à-dire par exemple la puissance de la sexualité, elle est envisagée par exemple du point de vue aussi de la démographie, de la reproduction, comment essayer de normer, de réguler des comportements qui ont des conséquences sociales. Donc il y a encore, c'est un texte, la volonté de savoir, qui est beaucoup plus politique dans un sens classique du terme que l'usage des plaisirs, où là, bah d'abord on est chez les Grecs, donc la démographie ça n'existe pas, la psychanalyse n'existe pas, la question de la révolution d'ailleurs n'existe pas, ni sexuelle ni politique, pour des raisons profondes qui tiennent à la vision du monde de l'Antiquité. Ce qui importe ici, c'est plutôt une auto-régulation des plaisirs, c'est-à-dire une manière de se regarder agir, toute une insistance aussi sur la pudeur, donc qui sont d'ailleurs des très belles pages dans l'usage des plaisirs, sur la manière dont finalement, quand je m'abandonne à un plaisir excessif, le critère c'est pas que j'ai fait le mal ou bien, c'est que je ne voudrais pas que ce soit vu par d'autres, c'est-à-dire la honte, la pudeur que cela contredit. Autrement dit, on est dans une sorte d'usage lié aux apparences. Qu'est-ce que je veux, encore une fois, montrer de moi ou pas? On n'est pas du tout d'ailleurs dans une normativité qui viendrait d'en haut. À l'inverse donc de Marcus, juste un mot peut-être sur Marcus et quand même cette idée de perversion, juste qu'on finisse avec ça, Michael Fossel, qu'entend-il par perversion? Bah, par perversion, c'est le contraire de la régulation, c'est ça? Oui, une sorte d'excès qui caractérise, ou de singularité qui caractérise, là il reprend le concept à Freud, hein, qui caractérise la sexualité humaine dans sa spécificité, à savoir qu'elle n'est pas seulement génitale, qu'elle n'est pas liée seulement à la reproduction, et que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un pervers? Bah, c'est quelqu'un qui utilise une partie de son corps à une autre de manière sexuelle, à une autre finalité qu'à la reproduction. Autrement dit, aujourd'hui, le concept de pervers est un peu... parce qu'on pense tout de suite au pervers narcissique. Il s'agit pas ici de la perversité, hein, c'est de la perversion. La perversion, ça veut dire le détournement d'un usage d'une partie de son corps pour en faire un objet ou un organe sexuel. Par exemple, ça commence avec le baiser. Autrement dit, nous sommes à peu près tous pervers, puisque le baiser, en principe, n'est pas contenu dans la sexualité génitale. Alors que la thèse fondamentale de Marcuse, centrale, c'est que la perversion, cette capacité qu'ont les êtres humains à ne pas être au fond simplement assignés par leur sexualité à la reproduction, c'est aussi ce qui les rend plus libres. Parce que d'une certaine manière, ça la limite. Évidemment, Marcuse écrit dans les années 50, c'est-à-dire un moment où l'impératif de reproduction, la conjugalité était encore très puissant normativement, mais ça, à mon avis, c'est le fait que nous ayons évolué n'invalide pas sa thèse. Nous sommes pervers à la mesure de ce que nous sommes libres. Un peu plus de perversion, un peu plus de capacité, d'une certaine manière, à ne pas assujettir notre sexualité au principe de rendement, au concept d'utilité, c'est aussi une manière de tenir tête à un système, je dirais, qui privilégie en toute chose le profit. Merci beaucoup, Michael Fossel. Merci à vous. De vous, on peut lire Quartier Rouge, Le plaisir et la gauche, c'est paru aux éditions PUF. Et puis, bien sûr, de Michel Foucault, le deuxième volume de l'histoire de la sexualité, L'usage des plaisirs, c'est aux éditions Tel Gallimard. Exercise. I wanna see you beat all your best times. And if you're lucky, I'ma teach you best to turn you right. Exercise, come on baby. Exercise, feel the burn. Exercise, let me see you take it down, take it down. Let me see you pick it up, let me see you bounce, bounce, bounce, bounce. Let me see you exercise, come on baby. Exercise, feel the burn. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver comme tous les jours la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment Hannah Arendt sépare-t-elle la politique de la vie ? En 1958, au cœur du XXe siècle qu'elle a traversé de tant de façons, la philosophe Hannah Arendt publie un livre essentiel dont le titre original, en anglais, dans l'anglais qu'elle a appris dans son exil aux États-Unis et qu'elle écrit parfaitement, le titre original donc rejoint le titre d'un roman français d'avant-guerre qu'elle connaissait forcément puisqu'elle intitule son livre « The Human Condition ». Et rejoint ainsi André Malraux avec son livre, son grand roman sur la condition humaine. Ce roman où André Malraux met en scène des résistants communistes en Chine qui préfèrent sacrifier leur vie pour réaliser leur idéal politique. Par où ce livre d'André Malraux et le livre d'Hannah Arendt communiquent-ils de manière souterraine avec entre eux la Deuxième Guerre mondiale qui a vu Hannah Arendt s'exiler de son Allemagne natale, de l'Allemagne où elle avait pratiquer la philosophie aux côtés de Martin Heidegger pour d'abord venir en France, résister et s'inscrire dans des réseaux de résistance et arriver aux États-Unis où elle réalisera la plus grande part de son œuvre politique personnelle. Par où le livre d'André Malraux et celui de Hannah Arendt, dont on oublie le titre original, puisqu'en français il est traduit par la condition de l'homme moderne. Par où ces deux conditions humaines communique-t-elle ? Eh bien, justement, dans l'idée que Hannah Arendt reprend à Hegel et aussi à Heidegger en partie, à savoir que la vie politique humaine commence précisément en pouvant sacrifier la vie biologique, en pouvant se dresser à un autre niveau que la simple préservation du corps qu'elle impute à un niveau primaire de la vie, cette vie qui consiste dans le travail, dans la subsistance seulement. Les humains accèdent à la politique en pouvant sacrifier leur vie. André Malraux le montrait déjà dans La condition humaine avec cette pilule de cyanure qu'avale le résistant dans la prison. Il rejoint ainsi Hegel, les êtres humains montrent qu'ils ne sont pas seulement des vivants, parce qu'au nom d'une idée, ils peuvent sacrifier volontairement ce que les vivants ont de plus cher, c'est-à-dire leur vie elle-même. Il y aurait donc pour les humains quelque chose au-delà de la vie. Et Hannah Arendt reprend cette idée en montrant qu'il y a plutôt 3 degrés de la vie. Il y a la vie dans le travail, qui est le premier degré primaire de la vie dont on a besoin. Il y a ensuite la vie dans l'œuvre, l'œuvre d'art, et il y a la vie politique, qu'elle appelle la vie vraiment active. La vie politique, c'est les humains dans l'espace public qui font advenir ce qu'ils ont de non simplement biologique, leur singularité pure, par la parole et par la reconnaissance mutuelle. La vie politique s'oppose ainsi à la vie biologique, et beaucoup de philosophes aujourd'hui reprennent cette distinction d'Hannah Arendt, par exemple le philosophe italien Giorgio Agamben, qui est connu pour opposer la vie biologique Zoé à la vie politique, le bios, la vie vraiment vécue qui a un sens humain. Mais Hannah Arendt, reprenant cette distinction, ne court-elle pas un risque? N'y a-t-il pas un risque à opposer la vie politique pure et la vie biologique? La vie politique n'a-t-elle pas quand même pour but, même s'il faut la sacrifier, de préserver la vie? Oui, la séparation de la politique et de la vie par Hannah Arendt se situe bien au cœur de nos problèmes, au cœur du XXe siècle, et peut-être plus encore aujourd'hui. Merci Frédéric, votre chronique est à écouter sur le site de France Culture, à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Thaïs Eloi-Hammer, Manon Delasselle, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec Laurence Malonda à la réalisation, Félix Delacour à la prise de son aujourd'hui, et merci à Bernard Gabet à la lecture des textes. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine sur l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Et demain, troisième volume, Le souci de soi. Qu'est-ce qu'une bonne sexualité? Ce sera avec Judith Revel. À demain sur France Culture.